comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un gars, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi le retour de ton cou, les fruits, bien mûrs au goût du miel. Ma vie, Aïcha, si tu es bon, j'irai où ton souffle nous mène. Dans les pays d'ivoire et de bête, j'effacerai des larmes des bêtes. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je lirai les mots des poèmes, je jouerai les musiques du ciel, je prendrai les rayons du soleil pour éclairer vos yeux de rêve. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Elle a dit garde tes trésors, moi je vaux mieux que tout ça. Des barreaux sans des barreaux, même en or, nord. Je veux des mêmes croix que toi. Respect pour chaque jour, moi je ne veux que de l'amour. Nebrik, Aïcha, Mouni Moutalik, Edik, Saïd, Hayat, Houpi, Edik, Anti, Omri, Hayatik. تمنيت أنا عايش معك غير انتي. عايشة عايشة هذا دمغيك. عايشة عايشة ونموت علي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عايشة ويا عايشة ويا عايشة ويا عايشة ويا.